Chapitre 7e. Message. Vers la fin de la journée, Pierre Urséolo vint chez sa fille. Elle était seule. Il lui fit signe de s'asseoir près de lui, et elle put deviner, à la gravité triste de son front, qu'il était chargé pour elle d'une mission importante. « Que fait la duchesse ?» demanda Pierre. « Elle repose, et sans doute elle est bercée par un heureux songe, car elle a embrassé Jacques avant de s'endormir. » « Diane, les instants sont précieux, écoute-moi. Oublie que je suis ton père, et ne vois en moi que l'interprète des vœux du duc Jacques. Je répondrais mal à la confiance de celui qui m'envoie, si je ne renonçais volontairement à l'influence que me donne mon titre auprès de lui. Je ne suis, et ne veux être, qu'un messager fidèle. J'ai passé cette journée entière avec Jacques, après avoir décidé du sort de ses trois frères, décision qui retentira demain dans tout l'archipel. Il a songé à fixer le sien, et m'a rendu confident de ses projets. Diane, le prince Jacques t'aime, et veut accomplir, par la plus brillante des réalités, les honteuses et illusoires promesses de Jean. Il veut que demain, à l'heure où ses frères entendront leur sentence, le peuple te salue, duchesse de Nax. Vous me trompez, ce n'est pas possible. Je te rapporte les paroles mêmes de Jacques. Mais laisse-moi achever. Avant d'être le serviteur du fils, j'étais l'ami du père, et en mourant, le duc François m'avait institué le gardien d'un dépôt sacré. Aujourd'hui, je dois m'acquitter de ma mission. Il s'agit d'un traité signé, dans une entrevue récente, par le feu duc François et Gaspard de Sommerive, seigneur d'Andros. La clause principale de cet acte, qui assure au nouveau duc de l'archipel un puissant allié, est le mariage de Jacques avec Florence de Sommerive, fille de Gaspard. À l'exécution de ce traité est attachée la gloire, la sûreté de Jacques, peut-être même le succès de la guerre qu'il va soutenir contre Mahomet. Je lui ai dit toute ma pensée, car tu le sais, Diane, le repos de l'archipel, la gloire de mon maître, voilà l'idole de mes vieilles années. Et au risque de briser cette autre idole de mon cœur, le bonheur de ma fille, j'ai supplié, entends-tu bien, j'ai supplié Jacques de ne pas renverser d'un mot cet édifice d'une savante politique qui avait coûté à son père tant de calculs profonds, tant de laborieux efforts. Et qu'a-t-il répondu à cette prière, qui était celle d'un serviteur dévoué ? Pierre Urséolo m'a-t-il dit, « Je dois autant à votre fille qu'à mon père. Elle m'a rendu la vie qu'il m'avait donnée. Pour témoigner mon respect aux morts, je ne serai pas ingrat envers les vivants. Portez mes volontés à Diane, qu'elle prononce, et je me soumettrai. »« Votre avis ?» murmura Diane. « Hélas !» dit Pierre, « cet avis peut-il être impartial ? Et si la raison du conseiller intègre veut se faire entendre, le cœur du père ne sera-t-il pas là pour la démentir ? Placé entre deux abîmes, ne me force pas à un choix également terrible. Diane, je manque de force pour cette double responsabilité. Prends-la sur toi à ton tour. Dis une parole. Et c'est du côté de cette parole que la balance penchera. » L'âme de Diane se brisait. L'espérance qu'on lui montrait était comme un fanal attaché à la cime d'un roc inaccessible. Elle entrevoyait le port, mais une mer pleine d'écueils l'en séparait. Aurait-elle le courage de la traverser ? « Donnez-moi la nuit pour réfléchir, mon père, » dit-elle enfin, avec résignation. « Demain, vous aurez une réponse apportée au duc Jacques. » Pierre se retira triste et silencieux, et Diane, après avoir essuyé quelques larmes, tomba dans une profonde rêverie.